Selon une information, le Conseil de mesure du problème des volontaires de Corée du Sud a publié le 29 mai un commentaire sur l'effronterie du gouvernement japonais. Il a écrit que le Japon présente l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise comme un succès diplomatique détaillé et serré du pouvoir d'Abe, que l'actuel pouvoir sud-coréen doit exprimer l'intention d'une solution urgente et correcte du problème de l'esclavage sexuel et dénoncer l'injustice de l'accord dans la société internationale.